vie est une blagueuse, elle nous chavire, nous rend heureuse, dans les bons moments comme dans les mauvais. Mais comment se dire que ce n'est qu'une mauvaise passe, quand tout autour de nous semble aller droit dans l'impasse. La recette, mon ami, il n'y en a qu'une, c'est marcher en évitant les dunes. C'est courir et ne pas s'arrêter, et se souvenir qu'on est tous partis en biais. Comment trouver le bonheur quand on a dans notre cœur l'appréhension anormale? Et la recette, mon ami, il n'y en a qu'une, c'est marcher en évitant les dunes. C'est courir et ne pas s'arrêter, et se souvenir qu'on est tous partis en biais. Y a pas de mal de temps en temps de succomber au désir accablant. On a tous eu des moments emplis de désespoir, mais écoute bien ce que je te dis. Après la pluie vient le beau temps, une éclaircie, un rayon de soleil brilleront sur ton visage. Et quand je serai dans le noir, quand le monde perdra de ses couleurs, j'espère que tu viendras me voir pour me donner de la hauteur. La recette, mon ami, il n'y en a qu'une, c'est marcher en évitant les dunes. C'est courir pour ne plus s'arrêter, et se souvenir qu'on est tous partis en biais.